Voici un aperçu de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Il manquait à la France un dictionnaire moderne. En 1745, le libraire Le Breton eut l'idée de publier une traduction de la Cyclopédia de l'anglais Chambers, dictionnaire doté de planches et d'articles sur les arts mécaniques. Il confie à l'entreprise à Diderot en 1746. Plein d'enthousiasme, Diderot élargit le projet. Au lieu d'être une simple traduction, l'encyclopédie fera le point des connaissances contemporaines. Ce sera une œuvre de progrès, dissipant les préjugés et accordant une large place aux arts mécaniques. Il s'assure pour la partie scientifique la collaboration de D'Alembert et recrute une équipe de spécialistes parmi les plus compétents. Le 1er juillet 1751 paraît le premier volume, précédé du discours préliminaire de D'Alembert. Janvier 1752, deuxième volume de l'encyclopédie. On voit paraître les tomes 3 à 7 de 1753 à 1757. À la fin de 1765, les tomes 8 à 17. Quant aux 11 volumes de planches, ils parurent sans encombre entre 1762 et 1772. Dans un extrait de lettre à Sophie Volant, Diderot écrira: cet ouvrage produira sûrement avec le temps une révolution dans les esprits, et j'espère que les tyrans, les oppresseurs, les fanatiques et les intolérants n'y gagneront pas. Nous aurons servi l'humanité.